Lettre 105e, Théophanie à Phocion, Nicomédie, mai 305. Tout est perdu, Phocion. Qu'allons-nous devenir, mon mari, moi, nos enfants? Constantin a été arrêté à Chalcédoine et ramené ici enchaîné dans le palais de Galerius. Un fidèle esclave a apporté cette nouvelle à mon Agathoclès. Je l'ai vu pâlir, trembler, et sans répondre une parole à tout ce que je lui demandais, il s'est renfermé dans sa chambre. Il y a une demi-heure au plus qu'il est rentré chez moi, consterné et troublé plus que je ne l'ai vu en ma vie. Il m'a serré dans ses bras, puis son fils, avec un cri douloureux. Il est resté ensuite quelques minutes la tête cachée dans ses mains, comme s'efforçant de se calmer. Puis il m'a remis cette lettre pour toi, en me chargeant de la fermer, de t'avertir de ce qui se passe et de te l'envoyer. Il s'est levé pour sortir, sans vouloir me dire où il allait. Aucune prière n'a pu le retenir. Oh mon Dieu, que va-t-il faire? J'ai rempli ses ordres, mais tu vois comme ma main tremble en finissant cette feuille. Je ne puis continuer. Adieu.